viande. En légumes, au poulet. Au piquet, au piquet. Et au couscous. T'as rien à faire, c'est déjà prêt. Au piquet, au piquet. Oh oui, c'est au piquet. Qui nous fait le couscous? Le bon couscous qui nous plaît. Couscous au piquet, autant manger gai.